La termitière. 1. On compte de 1 200 à 1 500 espèces de termites. Les plus connues sont le Termes bilucosus, qui édifie d'énormes monticules, le Nemorosus, le Lucifugus, qui a fait une apparition en Europe, l'Incertus, le Vulgaris, le Coptothermes, le Bornensis et le Magensis, qui sont des soldats à seringues, le Rhinothermes, le Termes planus, le Tenuis, le Malayanus, le Viator, l'un des rares qui vivent parfois à découvert et traversent les jungles, en longue ligne, les soldats encadrant les ouvriers porteurs, le Termes longipes, le Foraminifère, le Sulfureus, le Gestroi, qui attaque délibérément les arbres vivants et dont les guerriers sont féroces, le Termes carbonarius, dont les soldats rythment d'une façon très particulière le martèlement mystérieux sur lequel nous reviendrons, le Termes latericus, le Lacessitus, le Dives, le Gilvus, l'Azzarellii, le Translucens, le Speciosius, le Comis, le Laticornis, le Brevicornis, le Vucipenis, l'Atripenis, l'Ovipenis, le Regularis, l'Inanis, le Latifrons, le Filicornis, le Sordidus qui habite l'île de Bornéo, le Laborator de Malacca, les Capritermes, dont les mandibules, en cornes de bouc, se détendent comme des ressorts et projettent l'insecte à 20 ou 30 cm de distance. Les Thermopsis, les Calothermes, qui sont les plus arriérés, et des centaines d'autres dont l'énumération serait fastidieuse. Ajoutons que les observations sur les mœurs de l'insecte exotique et toujours invisible sont récentes et incomplètes, que bien des points y demeurent obscurs et que la termitière est lourde de mystères. En effet, outre qu'il habite des contrées où les naturalistes sont infiniment plus rares qu'en Europe, le termite n'est pas, ou du moins n'était pas, avant que les Américains s'y fussent intéressés, un insecte de laboratoire, et l'on ne peut guère l'étudier dans des ruches ou des boîtes de verre comme on fait pour les abeilles et les fourmis. Les grands myrmécologues, tels que les forels, les Charles Janet, les Lubbock, les Wassmann, les Cornetz et bien d'autres, n'ont pas eu l'occasion de s'en occuper. S'ils pénètrent dans un cabinet d'entomologie, c'est généralement pour le détruire. D'autre part, éventrer une termitière n'est pas chose facile et agréable. Les coupoles qui la couvrent sont d'un ciment tellement dur que l'acier des haches s'y ébrèche et qu'il faudrait les faire sauter à la poudre. Souvent les indigènes, par peur ou superstition, refusent de seconder l'explorateur qui, comme le raconte Douville dans son voyage au Congo, est obligé de se vêtir de cuir et de se masquer afin d'échapper aux morsures de milliers de guerriers qui, en un instant, l'enveloppent et ne lâchent jamais prise. Enfin, quand elle est ouverte, elle ne livre que le spectacle d'un immense et redoutable tumulte et nullement les secrets de la vie quotidienne. Au surplus, quoi qu'on fasse, on n'atteint jamais les derniers repères souterrains qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Il existe, il est vrai, une race de termites européens, très petits et probablement dégénérés, qu'un entomologiste français, Charles L'Espèce, a consciencieusement étudié il y a 70 ans. On les confond assez facilement avec les fourmis, bien qu'ils soient d'un blanc légèrement ambré et presque diaphane. Ils se trouvent en Sicile, notamment dans la région de Catane, et surtout dans les landes des environs de Bordeaux, où ils habitent les vieilles souches de pins. Au rebours de leurs congénères des pays chauds, ils ne s'introduisent que fort rarement dans les maisons et n'y font que d'insignifiants dégâts. Ils ne dépassent pas la taille d'une petite fourmi et sont fragiles, minables, peu nombreux, inoffensifs et presque sans défense. Ce sont les parents pauvres de l'espèce, peut-être des descendants égarés et affaiblis des Lucifugus que nous retrouverons plus loin. En tout cas, ils ne peuvent nous donner qu'une idée approximative des mœurs et de l'organisation des énormes républiques tropicales. 2. Quelques termites vivent dans les troncs d'arbres creusés en tous sens et sillonnés de galeries qui se prolongent jusque dans les racines. D'autres, comme les Termes arboreum, bâtissent leur nid dans les ramures et l'y fixent si solidement qu'ils résistent aux plus violentes tornades et qu'il faut scier les branches pour s'en emparer. Mais la termitière classique, celle des grandes espèces, est toujours souterraine. Rien n'est plus déconcertant plus fantastique que l'architecture de ces demeures qui varie selon les pays et dans une même contrée, selon les races, les conditions locales, les matériaux disponibles, car le génie de l'espèce est inépuisablement inventif et s'accommode de toutes les circonstances. Les plus extraordinaires sont les termitières australiennes, dont W. Saville Kent, dans son imposant in quattro « The Naturalist in Australia », nous donne quelques photographies déconcertantes. Tantôt, c'est un simple monticule rugueux, ayant à la base une circonférence d'une trentaine de pas, haut de 3 ou 4 mètres, qui a l'air d'un pain de sucre avarié et tronqué. Ailleurs, elles offrent l'aspect d'énormes tas de boue, de formidables bouillons de grès dont l'ébullition aurait été subitement figée par un vent sibérien, à moins qu'elles ne fassent penser aux larmoyantes concrétions calcaires de gigantesques stalagmites enfumées par les torches dans des grottes célèbres et trop visitées. Ou encore à l'informe amas de cellules 100 000 fois agrandies où certaines abeilles sauvages et solitaires thésaurisent leur miel, à des superpositions, à des imbrications de champignons, à d'invraisemblables éponges enfilées au petit bonheur, à des meules de foin ou de blé vieillies dans les tempêtes, à des moyettes normandes, picardes ou flamandes, car le style des moyettes est aussi tranché et aussi stable que celui des maisons. Les plus remarquables de ces édifices, qu'on ne trouve qu'en Australie, appartiennent aux termites boussoles, magnétiques ou méridiens, ainsi nommés parce que ces demeures sont toujours rigoureusement orientées du nord au sud, la partie la plus large vers le midi, la plus étroite vers le septentrion. Au sujet de cette curieuse orientation, les entomologistes ont hasardé diverses hypothèses, mais n'ont pas encore trouvé une explication qui s'impose. Avec leurs aiguilles, leurs floraisons de pinacles, leurs arcs boutants, leurs multiples contreforts, leurs couches de ciment qui débordent les unes sur les autres, elles évoquent les cathédrales érodées par les siècles, les châteaux en ruines qu'imagine Gustave Doré, ou les burgs fantomatiques que peignait Victor Hugo en diluant une tache d'encre ou de mare de café. D'autres, d'un style plus réservé, présentent un conglomérat de colonnes ondulées dont un homme à cheval et armé d'une lance n'atteint pas le faîte, ou jaillissent parfois à 6 mètres de hauteur comme des pyramides émaciées ou des obélisques rongés et délités par des millénaires plus ravageurs que ceux de l'Égypte des pharaons. Ce qui explique les bizarreries de ces architectures, c'est que le termite ne construit pas comme nous ses maisons du dehors, mais du dedans. Non seulement étant aveugle, il ne voit pas ce qu'il édifie, mais même s'il y voyait, ne sortant jamais, il ne pourrait s'en rendre compte. Il ne s'intéresse qu'à l'intérieur de son logis, et non point à son aspect extérieur. Quant à la façon dont il s'y prend pour bâtir ainsi à Bintra et à Tâton, ce qu'aucun de nos maçons n'oserait hasarder, c'est un mystère qui n'est pas encore bien éclairci. On n'a pas encore assisté à l'édification d'une termitière, et les observations de laboratoire sont difficiles, attendu que dès la première heure, les termites couvrent le verre de leur ciment ou, au besoin, le matent à l'aide d'un liquide spécial. Il ne faut pas perdre de vue que le termite est avant tout un insecte souterrain. Il s'enfonce d'abord dans le sol, le creuse, et le monticule qui émerge n'est qu'une superstructure accessoire mais inévitable, formée de déblais transformés en logements qui s'élèvent et s'étendent selon les besoins de la colonie. Néanmoins, les observations d'un entomologiste provençal, M. E. Bugnon, qui durant 4 ans étudia de près les termites de Ceylan, peut nous donner quelque idée de leur façon de procéder. Il s'agit du termite des cocotiers, le Termes ceylonicus, qui a des soldats à seringue. Nous verrons plus loin ce que c'est. Cette espèce, dit M. E. Bugnon, fait son nid dans la terre, sous les racines du cocotier, parfois encore au pied du palmier Kitul, dont les indigènes tirent un sirop. Des cordons grisâtres, disposés le long des arbres, montant des racines jusqu'au bourgeon terminal, trahissent la présence de ces insectes. Ces cordons, qui ont à peu près l'épaisseur d'un crayon, sont autant de petits tunnels destinés à protéger contre les fourmis les termites, ouvriers et soldats qui vont aux provisions au haut des arbres. Formés de débris de bois et de grains de terre agglutinés, les cordons des euthermes sont pour le naturaliste un précieux sujet d'étude, il suffit d'enlever avec un couteau un petit segment du tunnel pour pouvoir suivre à la loupe le travail de reconstruction. Une expérience de ce genre a été faite sur la plantation de Senigoda le 19 décembre 1909. Il est 8 heures du matin, la journée est magnifique. Le thermomètre marque 25 degrés. Le cordon exposé à l'orient se trouve justement en plein soleil. Ayant gratté la paroi sur une longueur de 1 cm, je vois tout d'abord une douzaine de soldats se présenter à l'ouverture, puis, faisant quelques pas, se disposer en cercle avec leurs cornes frontales dirigées en dehors, prêts à faire face à un ennemi éventuel. Revenu après un quart d'heure d'absence, je constate que les termites, tous rentrés dans la galerie, sont déjà occupés à réparer la partie détruite. Une rangée de soldats se tiennent au niveau de l'ouverture, les têtes dirigées en dehors, leurs corps retirés à l'intérieur. Agitant vivement leurs antennes, ils sont occupés à mâchonner les bords de la brèche et à les imbiber de leur salive. Un liseré humide, de couleur plus foncée que le reste de la paroi, se voit déjà tout autour. Bientôt survient un travailleur d'un nouveau genre, appartenant cette fois à la caste des ouvriers. Après avoir reconnu la place au moyen de ses antennes, il se tourne brusquement et, présentant son extrémité anale, dépose sur la brèche une gouttelette opaque, d'un jaune brunâtre, expulsée de son rectum. Un autre ouvrier, qui tient à la bouche un grain de sable, se montre peu après, venu lui aussi de l'intérieur. Le grain de sable qui fait l'office d'un petit moellon est déposé sur la gouttelette à l'endroit marqué. La manœuvre se répète maintenant d'une manière régulière. Je puis voir tour à tour, pendant une demi-heure, un termite ouvrier inspecter la brèche, se retourner, émettre sa gouttelette jaune et un autre chargé d'un grain de sable le poser sur le bord. Quelques-uns apportent, au lieu de grains de sable, de petits débris de bois. Les soldats qui remuent constamment leurs antennes paraissent spécialement préposés à protéger les ouvriers et à diriger leur travail. Alignés comme au début au niveau de l'ouverture, ils s'écartent au moment où un ouvrier se présente et lui montre, semble-t-il, l'endroit où il doit déposer son fardeau. Le travail de réparation, entièrement exécuté de l'intérieur, a duré 1 heure et demie. Soldats et ouvriers, ces derniers relativement en petit nombre, se sont d'un commun accord partagé la besogne. De son côté, le docteur K. Esrich a eu l'occasion d'observer, dans un jardin botanique tropical, la façon de procéder des Termes redemani vasm et a remarqué qu'ils ont un plan bien déterminé. Ils commencent par la construction d'une sorte d'échafaudage constitué par les cheminées d'aération, transforment ensuite cet échafaudage en bâtisse massive en remplissant tous les vides, et achève l'édifice en égalisant soigneusement les parois. 3. En certains points du Queensland ou Australie occidentale, principalement au Cap York, et surtout aux environs de l'Albany Pass, les termitières s'étendent sur près de 2 kilomètres qu'elles peuplent de pyramides symétriques et régulièrement espacées. Elles rappellent d'immenses champs couverts de ces moyettes dont je viens de parler. Les tombes de la vallée de Josaphat, une fabrique de poteries abandonnée, ou ces étranges alignements de Carnac, en Bretagne, et font l'étonnement des voyageurs qui, les apercevant du pont du navire, ne peuvent croire qu'elles soient l'œuvre d'un insecte moins gros qu'une abeille. En effet, la disproportion entre l'œuvre et l'ouvrier est presque invraisemblable. Une termitière moyenne, de 4 mètres par exemple, mise à l'échelle humaine, nous donnerait un monument haut de 600 ou 700 mètres, c'est-à-dire tel que l'homme n'en a jamais construit. Il existe, sur d'autres points du globe, des agglomérations analogues, mais elles tendent à disparaître devant la civilisation qui en utilise les matériaux, notamment pour la construction des routes et des maisons, car elles fournissent un ciment incomparable. Le termite avait appris à se défendre contre tous les animaux, mais il n'avait pas prévu l'homme d'aujourd'hui. En 1835, l'explorateur Aharon découvrit, au nord du Paraguay, une de ses confédérations qui avait 4 lieues de circonférence, et où les termitières étaient plantées si drues qu'elles ne laissaient pas entre elles des intervalles de plus de 15 à 20 pieds. De loin, elles figuraient une énorme ville, bâtie d'innombrables petites huttes, et donnaient au paysage, dit naïvement notre voyageur, un aspect tout à fait romantique. mais les plus grandes termitières se trouvent en Afrique centrale, notamment dans le Congo belge. Celles qui mesurent 6 mètres de hauteur ne sont pas rares, et quelques-unes en ont 7 ou 8. À Montpono, une tombe érigée sur une termitière pareille à une colline domine la campagne environnante. Une avenue d'Elisabethville, dans le Haut-Katanga, nous montre, sectionnée par le passage de la route, une termitière qui est 2 fois plus élevée que le bungalow qui lui fait face. Et pour la construction du chemin de fer de Sakania, il fallut faire sauter à la dynamite certains de leurs monticules dont les ruines dépassent la cheminée des locomotives. On trouve encore dans le même pays des termitières tumuliformes qui, éventrées, ont l'aspect de véritables maisons à 2 ou 3 étages dans lesquelles l'homme pourrait s'installer. Ces monuments sont d'une solidité telle qu'ils résistent à la chute des plus grands arbres, si fréquents en ces pays de tornades, et que le gros bétail, sans les ébranler, les escalade afin de brouter l'herbe qui croît à leur sommet. Car le limon, ou plutôt l'espèce de ciment dont ils sont formés, outre qu'il participe à l'humidité soigneusement entretenue à l'intérieur de l'édifice, ayant été trituré par l'insecte, ayant passé par son intestin, est d'une fertilité extraordinaire. Parfois même, il y pousse des arbres que, chose étrange, le termite, qui détruit tout ce qu'il rencontre, respecte religieusement. Quel est l'âge de ces édifices? Il est bien difficile de l'évaluer. En tout cas, leur croissance est très lente, et d'une année à l'autre, on n'y voit aucun changement. Autant que s'ils étaient taillés dans la pierre la plus dure, ils résistent indéfiniment aux pluies diluviennes des tropiques. De constantes et soigneuses réparations les maintiennent en bon état, et comme, à moins de catastrophes ou d'épidémies, il n'y a aucune raison pour qu'une colonie qui renaît sans cesse arrive jamais à sa fin, il est fort possible que certains de ces monticules remontent à des temps très anciens. L'entomologiste W. W. Frogat, qui a exploré un nombre considérable de termitières, n'en a trouvé qu'une seule abandonnée sur laquelle avait passé la mort. Il est vrai qu'un autre naturaliste, G. F. Hill, estime que dans le Queensland septentrional, 80% des nids de Drepanothermes sylvestrii et de Lamithermes perplexus sont envahis peu à peu et ensuite occupés d'une manière permanente par une fourmi, l'Iridomyrmex sanguineus. Mais nous reparlerons de la guerre immémoriale des fourmis et des termites. 4. Ouvrons, avec W. W. Frogat, un de ces édifices où grouillent des millions d'existences, bien qu'au dehors on n'y trouve aucune trace de vie, qu'ils semblent aussi déserts qu'une pyramide de granit et que rien ne trahisse l'activité prodigieuse qui y fermente jour et nuit. Comme je l'ai déjà dit, l'exploration n'est pas facile, et avant W. W. Frogat, bien peu de naturalistes avaient obtenu des résultats satisfaisants. Améliorant les méthodes antérieures et mieux outillées que ses devanciers, l'éminent entomologiste de Sydney fait d'abord scier le nid par le milieu, puis obliquement de haut en bas. Ces observations, jointes à celles de T.G. Savage, nous donnent une idée générale et suffisante de la distribution de la termitière. Sous une coupole de bois mâché et granulé, d'où rayonnent de nombreux passages, au centre de la cité, à 15 ou 30 cm au-dessus de la base, se trouve une masse ronde, de grosseur variable, selon l'importance de la termitière, mais qui, agrandie aux proportions humaines, serait plus vaste et plus haute que le dôme de Saint-Pierre de Rome. Elle est formée de minces couches d'une matière ligneuse, assez molle, qui s'enroule concentriquement comme du papier brun. C'est ce que les entomologistes anglais appellent la nursery, que nous nommerons le nid, et qui correspond aux rayons acouvins de nos abeilles. Il est généralement plein de millions de petites larves, pas plus grosses qu'une tête d'épingle, et les murs, apparemment pour en assurer la ventilation, sont percés de milliers d'ouvertures minuscules. La température y est sensiblement plus élevée que dans d'autres parties de la termitière, car il semble que les termites aient connu bien avant nous les avantages d'une sorte de chauffage central. Toujours est-il que lorsque la fraîcheur de l'air extérieur la rend plus sensible, la chaleur contenue dans le nid est telle que T.G. Savage, ayant un jour ouvert assez brusquement les grandes galeries du centre et voulant y regarder de trop près, recula devant le souffle chaud qui le frappa au visage. Manqua, dit-il, de lui couper la respiration et embua complètement les verres de son lorgnon. comment cette température constante, qui est pour les termites une question de vie ou de mort, puisqu'un écart de 16 degrés suffit à les tuer, est-elle entretenue? T.G. Savage l'explique par la théorie du thermosiphon, la circulation de l'air chaud et de l'air froid étant assurée par des centaines de couloirs qui parcourent tout le logis. Quant à la source de chaleur, qui, selon les heures et les saisons, ne doit pas être uniquement solaire, elle est probablement alimentée par la fermentation d'amas d'herbes ou de débris humides. Rappelons que les abeilles règlent également à volonté la température générale de la ruche et celle de ses diverses parties. Cette température durant l'été ne dépasse pas 85 degrés Fahrenheit et, l'hiver, ne descend pas au-dessous de 80 degrés. La constante thermique est assurée par la combustion des aliments et par des équipes de ventileuses. Dans la grappe où s'élabore la cire, elle s'élève jusqu'à 95 degrés grâce à la suralimentation des cirières. Des deux côtés de cette nourricerie, d'où des galeries mènent vers de plus belles chambres, des œufs blancs et oblongs sont empilés en petits tas comme des grains de sable. Ensuite, en descendant, nous arrivons à l'appartement qui renferme la reine. Des voûtes le soutiennent ainsi que les pièces adjacentes. Le sol est parfaitement uni et le plafond, bas et cintré, ressemble au dôme que formerait un verre de montre. Il est impossible à la reine de quitter cette cellule, tandis que les ouvriers et les soldats qui la soignent et la gardent entrent et sortent librement. Cette reine, d'après les calculs de Smithman, est 20 ou 30 fois plus grosse que l'ouvrier. Cela semble vrai pour les espèces supérieures, notamment le Termes bellicosus et le Natalensis, car la taille de la reine est généralement en rapport direct avec l'importance de la colonie. Pour les espèces moyennes, T.J. Savage a constaté que dans un nid où l'ouvrier pèse 10 mg, la reine en accuse 12 000. Par contre, chez les espèces primitives, les Calothermes par exemple, la reine est à peine plus grande que l'insecte ailé. La loge royale est du reste extensible et on l'élargit à mesure que prospère l'abdomen de la souveraine. Le roi l'habite avec elle, mais on ne l'aperçoit guère, étant presque toujours épouvanté et modestement caché sous l'énorme ventre de son épouse. Nous reparlerons des destinées, des malheurs et des prérogatives de ce couple royal. De ces loges, de grands chemins descendent vers les sous-sols où s'ouvrent de vastes salles soutenues par des piliers. Les emménagements en sont moins connus, car pour les explorer, il faut d'abord les démolir à coups de hache ou de pioche. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que là, comme du reste autour des loges, se superposent d'innombrables cellules occupées par des larves et des nymphes à divers stades de leur évolution. Plus on descend, plus augmente le nombre et la taille des jeunes termites. Là aussi se trouvent les magasins où s'entasse le bois mâché et l'herbe coupée en tout petits morceaux. Ce sont les provisions de la colonie. Du reste, en cas de disette, quand manque le bois frais, les murs même de tout l'édifice fournissent, comme dans les contes de fées, les vivres nécessaires, étant faits de matière excrémentielle, c'est-à-dire, dans le monde qui nous occupe, éminemment comestible. Chez certaines espèces, une partie importante des étages supérieurs est réservée à la culture de champignons spéciaux, qui remplacent les protozoaires que nous retrouverons au chapitre suivant, et qui, comme eux, sont chargés de transformer le vieux bois ou l'herbe sèche afin de les rendre assimilables. Dans d'autres colonies, on trouve de véritables cimetières installés à la partie supérieure du monticule. Il est permis de supposer qu'en cas d'accident ou d'épidémie, les termites de ces colonies, ne pouvant marcher du même pas que la mort et consommer en temps utile les cadavres qu'elles multiplient outre mesure, les entassent près de la surface afin que la chaleur du soleil les dessèche rapidement. Ensuite, ils les réduisent en poudre et forment ainsi une réserve de vivres dont ils nourrissent la jeunesse de la cité. Le Drepanothermes sylvestri a même des réserves vivantes. De la viande sur pied, bien que l'expression soit ici tout à fait impropre, la viande en question n'ayant plus aucun moyen de locomotion. Quand, pour une raison que nous ne pénétrons pas, le gouvernement occulte de la termitière estime que le nombre de nymphes dépasse le nécessaire, on parque dans des chambres spéciales celles qui sont de trop, après leur avoir coupé les pattes, afin qu'à se mouvoir sans utilité, elles ne perdent pas leur embonpoint, puis on les mange au fur et à mesure des besoins de la communauté. Chez ces mêmes drépanothermès, on trouve des installations sanitaires. Les déjections sont accumulées dans les réduits où elles durcissent et deviennent sans doute plus savoureuses. Voilà, dans leurs grandes lignes, les emménagements de la termitière. Ils sont du reste assez variables, car il n'existe pas, nous aurons plus d'une fois l'occasion de le constater, d'animal moins routinier que notre insecte et qui sache, aussi habilement, aussi souplement que l'homme, se plier aux circonstances. 5. De l'énorme hypogée, qui généralement s'enfonce sous terre, à proportion qu'il s'élève au-dessus, rayonne d'innombrables, d'interminables couloirs qui s'étendent au loin, à des distances qu'on n'a pas encore pu mesurer, jusqu'aux arbres, aux broussailles, aux herbes, aux maisons qui fournissent la cellulose. C'est ainsi que certaines parties de l'île de Ceylan et de l'Australie, principalement Thursday Island et l'archipel du Cap York, sur des kilomètres d'étendue, sont minées par les galeries souterraines de ces gnomes et rendues complètement inhabitables. Au Transvaal et à Natal, le sol d'un bout à l'autre du pays est sillonné de termitières, et C.L. Fuller y a trouvé, sur de petites surfaces de 635 mètres carrés, 14 et 16 nids appartenant à 6 espèces différentes. Dans le Haut-Katanga, on rencontre souvent par hectare une termitière haute de 6 mètres. Note. Ceux qui ont été dans cette région me fait remarquer M. Charles Dufour, qui séjourna pendant plus de 20 ans au Congo belge, ont pu constater que par hectare, on y compte parfois 4 et 5 termitières, et même davantage. Leurs dimensions sont considérables et la hauteur de 6 mètres est souvent dépassée. J'ai observé que les indigènes installent souvent au sommet d'une haute termitière située dans le village leur gong ou leur tam-tam. Fin de note. Au rebours de la fourmi qui circule librement à la surface du sol, les termites, excepté les adultes ailés, dont nous parlerons tout à l'heure, ne quittent pas les chaudes et humides ténèbres de leur tombeau. Ils ne cheminent jamais à découvert et naissent, vivent et meurent sans voir la lumière du jour. En un mot, il n'est pas d'insectes plus secrets. Ils sont voués à l'ombre éternelle. Si, pour se ravitailler, il leur faut franchir des obstacles qu'ils ne peuvent percer, les ingénieurs et les pionniers de la cité sont réquisitionnés. Ils construisent de solides galeries formées de débris de bois savamment malaxés et de matières fécales. Ces galeries sont tubulaires quand elles n'ont pas de soutien, mais leurs techniciens, avec une habileté remarquable, tirent parti des moindres circonstances qui permettent la plus minime économie de travail et de matières premières. Ils agrandissent, rectifient, raccordent, polissent les crevasses profitables. Si la galerie court le long d'une paroi, elle deviendra semi-tubulaire. Si elle peut suivre l'angle formé par deux murs, elle sera simplement couverte de ciment, ce qui épargne deux tiers de la besogne. Dans ces couloirs, strictement mesurés à la taille de l'insecte, de distance en distance, sont ménagés des garages analogues à ceux de nos étroites routes de montagne, afin de permettre aux porteurs encombrés de vivres de se croiser sans difficulté. Parfois, comme l'a observé Smithman, quand le trafic est intense, ils réservent une voie à l'aller et une autre au retour. Ne quittons pas cet hypogée sans appeler l'attention sur une des plus étranges, des plus mystérieuses particularités de ce monde qui renferme tant d'étrangetés et de mystères. J'ai déjà fait allusion à l'humidité surprenante et invariable qu'ils parviennent à entretenir dans leur demeure, malgré l'aridité de l'air et du sol calciné, malgré les implacables ardeurs des interminables étés tropicaux qui tarissent les sources, dévorent tout ce qui vit sur terre et dessèchent jusqu'aux racines des grands arbres. Le phénomène est tellement anormal que le docteur David Livingstone, le grand explorateur, doublé d'un naturaliste extrêmement consciencieux que Stanley rejoignit en 1871 sur les bords du lac Tanganyika, déconcerté, se demande si, par des procédés qui nous sont encore inconnus, les habitants de la termitière ne réussissent pas à combiner l'oxygène de l'atmosphère avec l'hydrogène de leur alimentation végétale, de manière qu'à mesure qu'elle s'évapore, ils reconstituent l'eau dont ils ont besoin. La question n'est pas encore résolue, mais l'hypothèse est parfaitement vraisemblable. Nous aurons à constater plus d'une fois que les termites sont des chimistes et des biologistes qui pourraient nous donner des leçons. Il est du reste fort possible comme le soupçonne M. Charles Dufour, que le termite va tout simplement chercher l'humidité à de grandes profondeurs ou aux racines même des arbres. Le volume du monticule formé à la surface du sol par une grande termitière est d'environ 200 mètres cubes. Si cette masse avait été extraite des couches supérieures dans un certain rayon du monticule ou immédiatement sous celui-ci, on trouverait de grands vides, de véritables caves. Or, on ne constate jamais d'affaissement aux termitières mêmes ou dans leur voisinage.